Ah, Woody. Grosse boif dans la gueule. 48 City, ma gueule, Rajel. NA2, 48 City. Ah. Ok, billet track, rien que ça chaque. Chante les bacs, vide ton sac. Fille mignonne, je me conditionne. Oui, c'est vrai, je t'affectionne. Ton visage vaut plus que mes sommes. Tous les queues, mes deux klaxonnes. T'es fraîche, sexy, archi bonne. Une disquette et t'es archi girl. Le temps presse, donne ton adresse. Qu'on quitte la thèse, fuyons la haine. Je perds la tête, faut que je fasse la fête. T'inquiète, la recette, méga la paye. Beau coupe assortie. Ils sont jaloux, c'est une calomnie. On brille plus que Ashanti. T'es mon officiel, c'est garanti. Faut bouger toute la nuit. J'ferai ta vie un paradis. On partira loin d'ici. On dansera toute la nuit. Faut bouger toute sa vie. Laisser aller nos envies. Toute l'année on gaulerie. J'ferai ta vie un paradis. 22h, c'est parti. Préviens tes copines, nos envies. Posez tranquille avec Larry. On est mignon, ça te fait gaulerie. On est pressé, tu es précis. Nos envies, tu assouvis. On est tranquille dans la Tessie. On est direct, pas indécis. Oh oh oh, c'est trop chaud. Monte le level, monte le niveau. Toute l'année, en dépit. Cette soirée, on monte le niveau. Oh oh oh, c'est trop chaud. Monte le level, le niveau. Toute l'année, en dépit. Cette soirée, on monte le niveau. Faut bouger toute la nuit. J'ferai ta vie un paradis. On partira loin d'ici. On dansera toute la nuit. Faut bouger toute sa vie. Laisser aller nos envies. Toute l'année, on gaulerie. J'ferai ta vie un paradis. Faut bouger toute la nuit. J'ferai ta vie un paradis. On partira loin d'ici. On dansera toute la nuit. Faut bouger toute sa vie. Laisser aller nos envies. Toute l'année, on gaulerie. J'ferai ta vie un paradis. Faut bouger toute la nuit. J'ferai ta vie un paradis. On partira loin d'ici. On dansera toute la nuit. Faut bouger toute la vie. Laisser aller nos envies. Toute l'année, on gaulerie. J'ferai ta vie un paradis. Faut bouger toute la vie. J'ferai ta vie un paradis. On partira loin d'ici. On dansera toute la vie. Faut bouger toute sa vie. Laisser aller nos envies. Toute l'année, on gaulerie. J'ferai ta vie un paradis. Déter, déter, déter, déter. Ouais, déter, toute l'année, déter. Déter, déter, déter, déter. Toute l'année, déter, déter, déter, déter, déter, déter. Toute l'année, déter, déter, déter, déter, déter, déter. Toute l'année, déter, déter. Ah, a.k.a. 94 460 S-A-M-I-R-N-A-2-S 48 City. Mais Métastime J-A-W-A-D 48 City.